tumeur qu'un tel te désarçonne. Ces filtres dans les crânes comme une tumeur trop tard quand ton heure sonne. Circule alors de ta drago à ton écart d'étale si tu veux pas finir en cendre comme ton pétard. Le poids de ces mots te rongera comme si t'admis ta force épongera et tôt tu plongeras dans leur marmite. Absorbé par leur stratagème et ce qu'ils manigancent, ces putains de jaloux aimeraient te voir danser dans les ronces. Parfois les simples paroles plaisent plus que les actes. Une simple épine peut te faire stresser comme une pucelle avant l'acte. Et tu tac, t'évites les tacles, les obstacles livrés comme des tracts, on tracte avant l'attaque. Elle va pas te livrer. Car au point des mots, la rumeur part plus vite qu'une balle. Travail des abdominaux, parfois sans gérer par mal. La rue ne te fera pas de cadeau. Car ton jaloux protège ton dos. Car au point des mots, lourde est l'attaque physique. Mais combien fait le poids des mots qui te rabaisse, se dresse à toi comme le fait la faux. Ils te mettent tes bâtons dans les roues, font cogiter ton crâne. Jusqu'à devenir fou. Les mots sont comme les clopes, ils provoquent une mort lente et douloureuse. On écope de ça et on supporte. L'émotion te chope à la gorge comme un chien qui regorge de sang et t'écorche. C'est le mal qui nous forge, il déforme pas la réalité, les balances. Pas comme les mythos, sur toi font des racots. Je balance tes mots pour supprimer mes mots. De tête, je ne mets mots. Risque pas que les défauts de l'être, comme beaucoup le font, ils sont ce qu'ils sont. Je suis ce que je suis. Certaines donnent des leçons, mais dans le fond ne valent pas mieux. Ils portent l'œil, les jaloux, les envieux. Car